Your bum bum is your PayPal. DJ Skek. Your bum bum is your PayPal. Si tu caches que ça paye mal. Savais, tu sais skek. Back up à ce wad en mixly. Les entonnes paroles ou me comprennent m'arriver Disney. Fais mes gel ou en cas de défaut nous divirer 10 mois. Parle pas de l'équipe en stade au bout de la bêtise. Mais fuck you. Gunshot na yo belly. Combien l'an est capable de ça ou pas qu'en belly. Tcha. Ou envie me commettre en délit. Se me cache belle et bougla pousse. Mais si y'a pas belle. Your bum bum is your PayPal. Your bum bum is your PayPal. Your bum bum is your PayPal. Biatch. On y a ti money allé tu pousses à bien on pas tout seul. On pas consacré vacabon à dans chaque nous a tout. Si mes fêtes Noël de ça, écris ça en 2 heures. Faut qu'il mette ça en les 10 heures. Quand fait wall couper réseau. Pour les moulins bas ou raison. Pièce non, péqué j'ai traité au contre réseau. Où senti c'est épimant ou c'est l'effet en désordre. Malade. Où senti c'est épimant ou envie fait en désordre.